الحمد لله برب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le fondement de l'islam. Beaucoup de polythéistes de cette époque se sont certes trompés. Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman rahimahullah a dit: beaucoup de polythéistes de cette époque se sont certes trompés en pensant qu'une personne qui excommunie celui qui prononce la shahada est forcément un khawarij. Ceci est faux. Mais nous disons plutôt que la prononciation de la shahada est un empêchement du takfir seulement pour celui qui connaît sa signification, applique ce qu'elle exige et voue un culte exclusif à Allah sans lui donner d'associé. Quant à celui qui dit la shahada sans se soumettre à ce qu'elle implique, mais plutôt donne des associés à Allah en prenant des intermédiaires et des intercesseurs, leur demandant ce que nul n'a la capacité de faire en dehors d'Allah, la shahada d'une telle personne est invalide. Et nous disons qu'elle ment en la prononçant. Comme Allah a dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. La source est Dorar Saniya, numéro 12, page 263. Abd al-Rahman ibn Hassan, rahmahullah. Après avoir cité le verset dans lequel Allah a dit « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous mécroyons en vous. Désormais, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. » Sourate 60, verset 4. A dit « Ce verset contient tout ce qu'a cité notre shir, rahmahullah, parmi l'incitation au tawhid, la négation du shirk, la loyauté envers les monothéistes et le takfir de celui qui la déleste en commettant le shirk qui l'annule. Car celui qui commet le shirk a délaissé le tawhid. Ceci parce que les deux sont l'opposé l'un de l'autre et ne peuvent coexister. De ce fait, à chaque fois que le shirk apparaît, le tawhid disparaît. Allah a parlé de ceux qui commettent le shirk et a appliqué le takfir sur eux à cause de l'association dans l'adoration. Et des versets qui en parlent sont nombreux. De ce fait, la personne ne sera pas monothéiste sans la négation du shirk, le désaveu du même et le takfir de celui qui le commet. Source, Ad-Durar Saniya, numéro 2, page 204. La croyance. La définition d'Allah Ta'ala. Abd al-Rahman ibn Hassan rahimahullah a dit, Cheikh al-Islam a dit, Al-Ilah est celui qui est adoré, et celui qui est adoré est celui qui mérite l'adoration. Étant donné qu'il mérite l'adoration, il possède les attributs qui impliquent à ce qu'il soit celui qui est aimé d'un amour complet, et celui à qui on se soumet complètement. Il a dit, Al-Ilah est celui qui est aimé, et celui à qui l'on se soumet. Il est celui que les cœurs adorent avec amour, et celui à qui ils se soumettent et obéissent. Il est celui dont les cœurs ont peur, et celui dont les cœurs espèrent. Il est celui vers qui les cœurs s'approchent dans les difficultés. Source, Fath al-Majid, page 41. La foi en la révélation et l'accomplissement de ses piliers et significations. Les messagers sont indispensables pour les humains, car il n'est pas possible de connaître les ordres et les interdits dans les détails, tout comme les règles de la sharia, si ce n'est pas les messagers. Le jugement dernier se produira lorsque les traces des messagers disparaîtront de la terre. Le but de l'envoi des messagers est qu'ils soient suivis et obéis. Le tawhid comprend et implique nécessairement le fait que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, soit le juge dans tous les litiges. Ceci fait partie de la shahada, ce qu'elle implique nécessairement et ce qui doit être réalisé. Prendre pour juge quelqu'un d'autre que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, anéantit et annule la croyance en lui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a empêché et déraciné toutes les méthodes et causes du shirk afin que le tawhid reste pur. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé avec la révélation la plus dure au niveau du tawhid, mais la plus douce au niveau des actes. Quiconque insulte et rabaisse le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est un mécréant à l'unanimité des savants. Et celui qui doute de sa mécréance est un mécréant. Celui qui déteste une chose avec laquelle est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est un mécréant, même s'il la pratique. Celui qui est convaincu qu'il est permis à un homme de quitter la sharia de Mohammed Ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant. Les savants sont unanimes que quiconque se moque d'Allah, de son livre, de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou de sa religion, même s'il plaisante, est un mécréant. Introduction à la croyance des savants du Najd. Fatawa Najdiya est une compilation sous forme d'un résumé des œuvres des savants du Najd. On y trouve 26 chapitres répartis dans trois grands thèmes. Chaque chapitre se compose notamment de fatawa des savants du Najd. À la fin de chaque thème se trouvent les principaux points à retenir de chaque chapitre. Dans cette catégorie, vous trouverez les titres des 26 chapitres ainsi que les principaux points à retenir de chaque chapitre. Le titre de l'article sera le titre du chapitre et le contenu de l'article seront les principaux points à retenir du chapitre tels qu'ils sont cités dans les Fatawa Najdiya. La réalité de l'islam et les conditions de son acceptation. Le shirk s'est élevé d'un bout à l'autre de la terre avant la da'wa du shirk réformateur Mohammed ibn Abdelwahab rahmahullah. Parmi les grandes causes du retour du shirk est que les gens ont changé le nom du shirk sans prendre en compte la signification du shirk pour lequel le sage législateur a légiféré un jugement. L'islam est la soumission à Allah avec le tawhid, l'obéissance à Allah à travers la soumission et le désaveu du shirk et des mushrikin. La simple prononciation de la shahada sans la science de sa signification ni la pratique de ce qu'elle exige ne fait pas de l'homme un musulman à l'unanimité des savants. La confirmation du tawhid de la seigneurie ne fait pas de l'homme un musulman tant qu'il ne se conforme pas au tawhid de l'adoration avec laquelle le musulman se différencie du polythéiste. La religion de l'islam ne sera pas valide sans le désaveu et le tekfir des tawarites qui se font adorer en dehors d'Allah.